soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hola, bon dia la planeta, la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit. Heureux de vous retrouver ce matin avec un temps plutôt maussade et pluvieux, mais normalement le soleil devra faire son apparition un petit peu cet après-midi sur PTV Orléans, Saint-Jean-de-Bray, encore la chapelle Saint-Mémin. Les températures au lever du jour, ouais, on va dire c'est tolérable hein, pour un mois de janvier, bientôt février. 12 degrés cet après-midi, c'est le maximal, ça va plutôt être pas mal. Et ce matin, 8 degrés au réveil, histoire de bien vous ambiancer. Du son qui arrive tout doucement, en douceur, avec les Coulins de la Gang et Johanna. Belle journée et bon réveil. On est en direct comme tous les matins et je vous souhaite un bon petit déj si vous venez d'arriver du côté d'Orléans. matin avec les Kunan de Gang, Joanna, quel bon souvenir. 7h08, coucou à Benjamin qui est là, coucou à Valérie aussi qui est là. Puis aujourd'hui c'est quoi? Bah c'est les soldes. Ah justement, est-ce que vous avez des bons plans? Vous avez des trucs à faire aujourd'hui? Est-ce que vous avez pris votre journée? Vous avez piqué la carte bleue de votre mari peut-être? Eh bien vous nous appelez ce matin, 02 38 43 48 00. Le meilleur de la musique pour bien vous sortir du lit avec celle qui a cartonné dans les années 90. Voici la belle Kylie Minogue, Better the Devil You Know. Belle journée, bonne solde et puis bon réveil. Concel, 7h11, quel souvenir. Puis en plus, je me mate le clip en même temps. Elle était plutôt gaulée quand même à l'époque. Hein. Kylie Minogue, Better the Devil, you know. Belle journée, bon réveil. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est grisâtre malheureusement avec quelques gouttes de pluie. Le soleil devrait faire son apparition dans l'après-midi, mais il va être assez timide quand même. Ça va être quasiment comme ça toute la semaine, à part vendredi, un peu plus de soleil. Les températures vont remonter aujourd'hui, on va frôler quand même les 11 à 12 degrés. Pour un mois de janvier, c'est plutôt pas mal. Ciel nuageux, pluvieux, quelques rayons de soleil aux alentours de 14-15 heures, c'est ce que je vois sur Météo France. Ça devrait s'améliorer. Demain, on prend les mêmes et on recommence. Je vous l'ai dit, vendredi, une amélioration avec du soleil. Samedi, temps pourri. Dimanche aussi, donc pas de barbecue pour vous ce week-end. En tout cas, on vous souhaite une belle journée. Un coucou à mon ami Orlando qui nous écoute ce matin. Salut mon poteau, le garage est bonbon. Salut, belle journée à toi et bon réveil. On parlera de boulangerie tout à l'heure. On aura la boulangerie avec nous, les papilles, l'atelier des papilles à Fleury-les-Aubrais. On va parler de, justement des situations en ce moment des boulangers. Comment que ça se passe par rapport à tout ce qui a énergie, etc. Est-ce que est-ce que le métier de boulanger devient de plus en plus dur? Est-ce que c'est plus facile, plus compliqué? Mais justement, on en parlera tout à l'heure avec le responsable en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Ça sera au téléphone aux alentours de 8h avec un bon réveil, avec le petit déj peut-être pour vous ce matin. Justement, si vous voulez un petit croissant, un petit café, bah direction l'atelier des papilles. C'est à Fleury-les-Aubrais, rue André de Sceaux, de la bonne baguette, du bon pain au chocolat. Ouais, c'est du tout fait maison. Du son qui arrive, et je sais que vous arrêtez d'adorer les souvenirs d'Italie, avec Umberto Tozzi qui arrive, et tout, belle journée, et bon réveil sur la radio couleur. Stiamo là, c'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma più, ma tu, perché tu, non ci sei, e mi sto spogliando tu, quanti anni mi dai, ho un lavoro strano e tu, non verrà, che lo sai, mi starà vicino tu, sei più bella che mai. Baci da un minuto tu, non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu, chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più, ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia, se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone cante. De FM, votre fréquence du matin au boulot, au bahut, au réveil. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Francky dans la radio, belle journée, courage à vous si vous allez au taf ce matin. Salut José, salut Orlando, salut Pascal, salut André, vous êtes nombreux le matin à être connectés. On vous souhaite une très très bonne matinée. Les soldes aujourd'hui, alors les filles, est-ce que vous allez faire les soldes? Est-ce que vous avez la carte bleue du mari? Oui ou non? Malgré l'inflation, est-ce que vous allez continuer à acheter ce matin? À faire des bonnes affaires peut-être? Eh bien vous nous appelez 02 38 43 48 00. Voici Lucenzo et Vandassa, Dame un beso. Si me quieres, amor, a ti me entrego. Ven conmigo, sabes que soy sincero. Vincenzo, dame un beso, donnez-moi un petit bisou ce matin, on réveille, ouais, ça fait du bien, un petit... Belle journée, 7h27, on est en direct. Lumière du son Latina avec David Bezbal, Sébastien Rattra. Coucou à Elodie qui vient de se connecter sur Orléans. Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar, yo muero en el intento. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tu suelo ya no estoy, en otros casos ya me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. Qui dans la radio, le meilleur de la musique, hein, et puis Hugo Loris, le capitaine de l'équipe de France et recordman des sélections, 145 a choisi d'annoncer sa retraite internationale après avoir été 14 ans sous le maillot de l'équipe de France. Il raconte aussi les dessous de la Coupe du Monde de football. Ça se passe dans l'équipe, voilà. Bon courage, bon vent au gardien de l'équipe de France de foot qui a quand même assuré, faut être honnête. Amir qui arrive, et j'ai cherché. Belle journée, bon courage à vous si vous allez au taf ce matin. Coucou à Steve qui est connecté, chauffeur-livreur sur Orléans. Salut mon ami, passe une agréable journée. On est en direct, 96.2 FM. À mon existence, j'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur. 9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Ninguém sabe como vai a minha vida. Nem a dor que está por trás do meu olhar. A verdade em meu silêncio está escondida. E a saudade só no mim me quer falar. Nem tu sabes porque já não queres saber. Do que fica por contar. Eu nunca mais partei a sorrir em cada madrugada. E o que foi um dia hoje não sou nada. Estamos tão desiguais. E nunca mais voltei a sonhar como sonhei contigo. Quando a noite cai ainda estou perdido. Não me encontrei jamais.

Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo. Latinoamericano, cubano, también Colombia, Venezuela. Emigrante del mundo. Vincenzo representa. Uruguay, mais j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. C'est bien fini l'époque, Luzi Lusitano. Mais je m'en fais pas, je reviens plus fort qu'avant, plus rien ne m'a pas. Maïsou me vise. Je viens représenter pour les latinos, pour la marque Emigrante. Emigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Emigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo. Latinoamericano, cubano, también Colombia, Venezuela. Emigrante del mundo. Vincenzo representa. Uruguay, mais j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Emigrante del mundo. Tu viens du Portugal, d'Espagne ou d'Italie, du Brésil ou d'Argentine. Emigrante del mundo. Amigo, retiens le message. Que dans chaque pays, chaque ville, on n'oublie pas ses origines. Emigrante del mundo. Latinoamericano, cubano, también Colombia, Venezuela. Emigrante del mundo. Vincenzo representa. Uruguay, mais j'ai choisi, fais comme moi, démarque-toi. Emigrante del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Wow. Emigrante del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Emigrante del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Emigrante del mundo. Somos inmigrantes. Representa el país de tu corazón. Escucha el mensaje. Lucenzo. Por inmigrante. 2006. Emigrante del mundo. Emigrantes del mundo. Emigrantes del mundo. Emigrantes del mundo. Radio Conseil, 7h-9h, c'est Francky dans la radio. Belle journée, 7h44, vous êtes peut-être à la bourre, c'est ce que me dit Steph sur Facebook. Vas-y Francky, je suis super à la bourre, hein. Je commence à 8h moins le quart, et bah il est 8h moins le quart. Voilà mon ami, courage à vous si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint Privé. Aujourd'hui c'est les soldes. Est-ce que vous allez faire les soldes ou pas? C'est hein, la question du jour. Appelez-moi 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. On va parler des soldes ce matin justement. Êtes-vous pour, contre, avec l'inflation, avec tout ce qui se passe en ce moment, est-ce que d'après vous les prix vont changer ou pas? Eh bien 02 38 43 48 00. Amine, et je voulais. Tu portes mon nom, bah ouais, j'aurais bien voulu, hein. 7h48 en direct, 96.2 FM. Tiens, il y a M. Fala qui arrive avec nous au téléphone. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hola, bandia, M. Feria, comment il va bien? Bon, ça va, tout de bien? Ça va. En forme, direction le boulot ce matin? Bah, il faut. Bon, ils annoncent un peu de pluie, hein. C'est pas trop chiant de travailler dehors parce que toi, tu bosses dehors? Ah oui, c'est ça. C'est ça. Y a pas de solde alors pour toi aujourd'hui? Ah, je m'en fiche du solde, c'est l'arnaque. Ah, c'est une arnaque les soldes. T'as donné la carte bleue à ta femme peut-être? Non, non, même pas. Même pas, oh, la pauvre. Elle va pas. C'est l'arnaque. Ah, tu c'est l'arnaque. Tu colles l'étiquette sur l'étiquette et quand t'enlèves la première étiquette ici en solde, le prix est moins cher avant qu'après. Ah, ça c'est vrai, ça sent l'arnaque. Hein. Après, je sais pas si c'est partout pareil, hein, mais en tout cas, bon, bah, pas de solde pour toi, direction le boulot en tous les cas, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Tu travailles à l'extérieur aujourd'hui là avec le temps qu'il fait? Bah oui, je travaille en hôpital. Ah là là, dans la salle d'hôpital là en ce moment là? Ouais. Ouais. Ouais, ils vont le refaire, hein. J'ai vu le budget là, impressionnant quand même hein, pour cet hôpital d'Orléans. Ah oui, hein. Il est tout pourri. Hein. Ah, il est pourri. Tout qui tombe. Ah bah tout qui tombe, il faut tout refaire. Hein. Ça va être la fac, je crois, la fac de médecine, il me semble. Ah, hein. T'inquiète pas. Bon bah bon courage, monsieur Ferrien. Hein? Voilà, toi aussi. Belle journée, puis pas de solde pour toi, tant pis, hein. Tant pis, mon ami. Non, non, pas de solde. Au revoir, monsieur Ferrien, bonne journée. Au revoir. Salut, belle journée. Salut. Vous aussi, vous pouvez m'appeler 02-38-43-48-00. C'est le numéro du standard. 02-38-43-48-00. Un peu de douceur, tranquille, pour bien démarrer cette nouvelle heure qui arrive dans moins de 10 minutes avec Ellie Goulding. Love me like you do. Belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. matin, je vous emmène au boulot avec plein de douceur, avec Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Courage à Monsieur Faya qui bosse sur l'ancien hôpital d'Orléans là. Ouais, ils vont tout refaire là pour faire la fac de médecine, je crois. Hein. Alors, le budget là, impressionnant. Hein. Je sais plus, faut jouer à les chiffres, mais c'est impressionnant apparemment. Hein. Kinvey qui arrive avec les mots. J'avais bossé avec lui là-dessus et ça me fait plaisir de le retrouver ce matin. Kevin Kinvey, le meilleur des souvenirs. Belle journée, courage à vous si vous allez bosser. 02 38 43 48 00, c'est le standard. Texte en guise de lettre, car tu ne te fais qu'à mon paraître. Tous tes amis me descendent en traître, donc tu n'essaies même pas de me connaître. Je serai ton Roméo, oh, oh, eh, oh. Tu n'auras pas qu'une expérience, j'abandonne tes guitres, oh, oh, eh, oh. T'en prie, fais-moi confiance, il y aura des balais, oh, oh, eh, oh. Ça c'est une évidence, mais écoute plutôt ton cœur. Je t'en prie, laisse-moi une chance. Faut pas les écouter. Écoute ça, c'est pour toi, c'est comme ça, c'est Kinvey. Ça c'est mon pote Saint-Ange du collectif à l'époque qui a fait la musique, qui a fait les paroles. Je le salue au passage, le Bordelais. Saint-Ange, belle journée, bon réveil. Et aujourd'hui, on va dire une chose, c'est un peu la journée de la femme quand même. Bah ouais, parce que c'est les soldes. Bah ouais, justement pour ça, elle, toutes les femmes de France, aujourd'hui on les aime. Voici le son, Jean-Luc Lay.

Si moi sans toi et toi sans moi, dis-moi si tu veux être heureuse alors que moi ça ne va pas. Oh yeah. Oh. Le proverbe dit qu'on connaît la valeur d'une personne qu'après l'avoir perdue. Je rajouterais que faut savoir se battre pour récupérer ce qu'on a pu. À dire pardon. Pardon. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors on va où? On fait quoi? On s'enfuit loin d'ici. On est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang bang bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors on va où? On fait quoi? C'est café le matin ou thé, ça dépend. Et vous, c'est quoi? Café, thé, c'est ce que me dit Nono sur Orléans. Moi, c'est le thé le matin, le thé vert. Ah ouais, ça fait du bien pour le corps. Aujourd'hui, c'est les soldes. Il y a Julie qui me dit, ça y est, moi, c'est parti, Francky, direction le centre-ville d'Orléans. J'espère faire de bonnes affaires aujourd'hui. Bah ouais, on espère aussi. Pourquoi, ma chérie? Du son caliente, mange Bangladesh. Je le prononce super mal, mais c'est pas grave. C'est du son latina et ça vous fait du bien aux oreilles. Amor chega me abraçar, me dá beijo e faz meu coração sorrir. O teu amor tem jeito de me tocar, é uma chama que arde bem dentro de mim. Quando chegas, o meu coração sente um calor. Se me tocas, no meu peito sai o meu amor. Quando me beijas, na minha boca fica o teu sabor. Baby, vem, porque eu quero mais. Vem, amor, dá acordar a teu lado. Quando o sol nascer, sentir o calor do teu corpo ao amanhecer. Eu quero ficar a teu lado, deixar acontecer. E depois de um abraço, tudo outra vez. Eu vou falar pra ti, tu vais olhar pra mim e deixar tudo acontecer. Vem amor, dá-me mais com calor. Teu sabor, dá-me mais com amor. Vem amor, dá-me mais com calor. Teu sabor, dá-me mais com amor. Dá-me mais. FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. tellement vite, il nous quittait il y a 20 ans, imaginez-vous. Oh là là, Barry White, my first, my last, my everything. Belle journée, bon réveil côté météo, le ciel est couvert et nuageux ce matin, de la pluie malheureusement, des nuages. Les températures jusqu'à 12 degrés quand même, ça c'est la bonne nouvelle. Le soleil devrait faire un petit peu son apparition dans l'après-midi, mais alors très timide. George Guerrero qui arrive. Et c'est déjà sur Radio Arc-en-Ciel. Bon réveil et courage pour le taf ce matin. On est en direct. Au boulot, c'est Francky. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne ? Appelle le 02 38 43 48 00. Aujourd'hui, c'est fini, ça ne peut pas être pire. Tu es parti, mais sans trop souffrir. tu crois si fort en ces mots. Jamais tu ne te l'avoues quand c'est trop. Aujourd'hui, c'est fini, ça ne peut pas être pire. Tu es parti mais sans trop souffrir. Tu as gagné, tu vas pouvoir le dire. Ce que je sais maintenant, crie sur tous les. Je l'adore cette fille, elle s'appelle Sarah, elle fait des superbes reprises. Là c'est celle de James Arthur, Impossible, Impossible en français. Et franchement elle claque hein. Allez voir sur YouTube, vous allez voir. C'est la fille qu'il vous faut en ce moment pour écouter ça dans votre Walkman. Ah ouais, l'ancienne, moi je suis au Walkman encore hein. Bah oui, justement on parle de Walkman aujourd'hui, c'est les soldes. Bah rien à voir, mais bon, vous allez peut-être acheter le dernier MP3. Et bien allez-y, foncez. Appelez-nous tiens si vous avez des bons plans pour les soldes aujourd'hui. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. 02 38 43 48 00. La belle Céline Dion qui arrive, et on l'adore aussi sur Radio Arc-en-Ciel. I'm Alive, elle était pas mal à l'époque encore hein. Ah ouais, c'est comme ça. Salut à Jojo qui est connecté sur Orléans. Salut Jojo, belle journée, va travailler. Chauffeur livreur, bon courage à la poule. Caribou, bon dia à la planète. I'm alive, la belle Céline Dion. Et puis à la fin du film, il meurt dans la bambam. Bah ouais, je voulais vous le dire, hein, si vous l'avez pas vu, bah tant pis pour vous. Los Lobos, vamos a bailar. Au boulot, c'est Francky. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Con tu filosofía mi cabeza está vacía. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu amor. Bailando. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche. Sera l'arc-en-ciel, belle journée et courage à vous si vous êtes sur la tangentielle, la direction le taf peut-être pour vous ce matin. C'est ce que me dit Eleonore, direction le boulot. Francky, je commence à 9h à Saran. Bah belle journée mon ami. Et c'est les soldes en plus, ça va être la guerre aujourd'hui, ouais, la grosse guerre. Pour moi, c'est l'un des plus beaux sauts de la planète et j'adore cette reprise par Manuel Soisseur. Écoutez, c'est la prise de Goldman, puisque tu pars déjà sera l'arc-en-ciel et on adore. reprise par Manuel Strasser, puisque tu parles de Jean-Jacques Goldman en 86. Ça nous rappelle vraiment, vraiment des super moments. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Jonathan qui nous écrit, salut Francky, direction les soldes pour moi ce matin. J'attends l'ouverture impatience de 9h. Je vais pas donner le nom du magasin, mais bon, il est prêt. En tout cas, vous aussi, vous êtes peut-être prêts de l'autre côté de la radio pour affronter les soldes, aller aux soldes. Vous avez piqué la carte bleue du voisin, du mari peut-être. Eh bien, allez-y, lâchez-vous ce matin. Hein. 02 38 43 48 00 avec Camaro et Femme Like You. Au boulot, c'est Francky. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Dame-le, baby. Mi corazón me pide más. Porque te fuiste, castigado desde el día por ti, hey, baby. mundo que por no morir lo intenta y lo hará hasta el final. Mi corazón me pide más. Sur Radio Arc-en-Ciel en attendant l'arrivée de Victor. On vous souhaite une très très bonne matinée. Courage à vous si vous êtes dans les bouchons comme Victor qui est sur la tangentiel, bloqué du côté de chez 6. Si vous aussi vous êtes bloqué sur les tangents, j'ai bien vous m'appeler 02 38 43 48 00. Si demain Bonnie Tyler, c'est il y a 15 ans déjà, ça passe hein. Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi. Dis, est-ce que tu te souviendras de moi? Sur la terre entière je me sens abandonné. Est-ce que tout ça va changer? Tu allons pour habiter ma solitude de mon mieux. Moi qui ne sais qu'être deux. Tu allons sans toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de toi. Tu allons sans toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Every now and then I get a little bit restless when I dream of something white. C'était il y a 15 ans déjà, si demain, turn around, Radio Arc-en-Ciel, 8h55, minutes, belle journée. Courage à vous pour le taf aujourd'hui. Bah ouais, ça va pas être facile, je pense à tous les vendeurs là, les vendeuses, bah ouais, ils vont manger avec les soldats, ouais, tous les acharnés là qui sont déjà devant les vitrines. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio, en attendant Victor. Le son de Kenji, mais Kemo.

conocimos. Venga. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Hacia la juguetona, como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa. Y hey, máteme, con esa boquita embriágame. Con tu cuerpo ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa y así desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady. Yo soy tu mamá, baby. Amigos con derecho a tu buen provecho. Son latino, rec, maluma, amigos con derechos, et ça on adore sur la radio couleur. Belle journée, courage à vous pour le taf, hein. Ah ouais, il faut y aller, c'est l'heure, hein. Aujourd'hui, côté météo, c'est pas terrible, hein. De la pluie, des nuages, de la pluie, des nuages. Quelques rayons de soleil tout à l'heure qui devraient apparaître en milieu d'après-midi. Ça va faire du bien, ça va nous réchauffer jusqu'à 12 degrés. Voici Elisio Melodia. C'est sur le 96.2 FM. DJ, salve. Si tu arrancas y mi boca se entrega en la batalla, prometo nunca rendirme si dejas que no me vaya. Que si tus manos se vuelven la celda, prisionero, pues cuando lleguen por mí al entregarme ser el primero. Solo con un beso me salvaste la vida y hoy existe amor donde antes hubo una herida, y con ese beso me obligaste a quedarme solo en tu boca. Es un encuentro, sentido y razones a esta vida loca, porque el amor solo sabe buscarme cuando tú me tocas y demostrar que contigo el destino ya no se equivoca, no se equivoca, solo en tu boca. Negociaré con tus ojos el precio y la recompensa. En esta historia tú tienes las armas para ganarme, y son tus labios la excusa perfecta para entregarme. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Acompáñenme. Otra vez, mi wife, me haces como él. muchacho, muchacho, acompáñeme. De FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille.